Est-ce que vous vous êtes bien préparé pour vivre une heure d'émotion, de souvenirs, d'amour à travers un programme musical unique, celui de coup de cœur ? Je suis sûr que oui. Serge en votre compagnie pour partager les plus belles chansons françaises qui sont ou ont été vos coups de cœur. Allez, c'est parti. On commence avec une chanson de Zazie, sortie début mars 2019. Il s'agit de Speed. Cœur brisé avec sa voix cassée, rythme qui accélère au fur et à mesure que la chanson progresse, comme un coaching en fait, un encouragement ou encore une course folle vers un renouveau. Quoi vous dire de Zazie qui était notre coup de cœur du 7 mai 2020 ? Bah, sachez qu'elle a pratiqué le violon pendant 10 ans, un peu de piano également et la guitare. Depuis le temps que tu dors, ça fait des mois. Dis-moi que tu hibernes, que tu sors pas de ta caverne. T'as beau tout faire pour le cacher, sous tes airs douces mal léchés. Jet. Coup de cœur à Nancy sur 94.2. Nous avons en effet décidé durant cette période estivale de refeuilleter le catalogue, l'album photo de ces émissions coup de cœur qui sont en place depuis début 2020 et on pioche comme ça pour réécouter celles et ceux que nous avons mis à l'honneur. Alors le 25 juin 2020, c'était la célèbre chanteuse Louane. Quoi vous dire d'elle, son actualité ? Ben tout simplement qu'elle a assisté au défilé Jean-Paul Gaultier durant la Fashion Week haute couture parisienne le 5 juillet dernier et qu'elle est apparue dans un look très

En effet, plusieurs accidents graves, dont l'un qui a impacté à la fois sa carrière, mais aussi sa vie intime quelques mois après être devenue la troisième Française à gagner l'Eurovision en 1962. Eh bien, elle était victime d'un terrible accident de voiture. Ce premier accident survient 2 semaines avant le tournage des Parapluies de Cherbourg, dont Isabelle Aubray devait avoir le rôle principal. Elle est finalement remplacée par Catherine Deneuve. Est-ce que vous le saviez ? Autre chose dans sa vie, sa carrière est à nouveau brisée en 82 cette fois-ci, à la suite d'un autre accident grave. En effet, lors du gala de l'Union des artistes, elle choisit d'exécuter un numéro périlleux de trapèze volant. Malheureusement, elle chute et se brise les deux jambes. La chanteuse devra alors entamer 2 ans de sévère rééducation. C'était notre coup de cœur du 3 septembre 2020. Et malgré tous ces malheurs, elle nous déclare que c'est beau la vie. Cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà roux, et son cri par-dessus tout, que c'est beau. Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai cru trop vite, a jamais perdu pour moi. Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, mais surtout pouvoir chanter, que c'est beau la vie. Le jazz ouvert dans la nuit, sa trompette qui nous suit dans une rue de Paris, que c'est beau la vie. La rouge fleur éclatée d'un néon qui fait trembler nos deux ombres étonnées, que c'est beau la vie. Tout ce que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné, aujourd'hui me monte lèvres en cette fin de journée. Pouvoir encore partager ma jeunesse, mes idées, avec l'amour retrouvé, que c'est beau la vie. Pouvoir encore te parler, pouvoir encore t'embrasser, te le dire et le chanter, oui c'est beau la vie. Un été tout en couleurs. Le suivant, c'est Emmanuel Moir. Après, alors c'était notre coup de cœur du 21 octobre 2021. Après 5 albums en solo, dont le dernier Odyssée qui est sorti en 2019, la voix réconfortante de l'artiste manque tout de même à ses fans. Heureusement pour eux, l'acteur ne délaisse pas la musique pour autant. Il a déclaré que cette année 2023 serait son grand retour à la chanson. Il ne reste plus qu'à voir. Sachez qu'il est également comédien dans « Demain nous appartient » et ceci sur TF1. « Ne s'aimer que la nuit », c'est le titre que nous avons choisi. Je te vois, mais nous sommes deux étrangers. Tu me vois et c'est comme on parlait. Je demande ton prénom aux invités. Je m'avance et nos mains peuvent se toucher. Elles se touchent avant de se lâcher et nos bouches ne font que regarder. On attend. Tout à l'heure, on pourrait faire toute l'équipe de Fadjet vous souhaite un très bel été. De quel univers cet autre ciel? De quelle cime avons-nous glissé sur ces terres? De quelles histoires venues d'hier? Ces liens tissés en nous, dont nos âmes se souviennent. C'était Sheila, venue d'ailleurs. C'est le titre d'ailleurs de son dernier album. Et Sheila, eh bien, elle a été faite officier de la Légion d'honneur promotion 2023. Bravo, bravo, c'est mérité pour sa longue carrière de 60 années. On parle d'Angèle maintenant. 4 juin 2020, c'était l'invité de nos platines sur Coup de cœur. Eh bien, sachez que le tatoueur Minus a eu le plaisir de faire le premier tatouage d'Angèle à Bruxelles le dimanche 9 juillet dernier. La chanteuse belge et sa manager Sylvie se sont fait tatouer un smiley discret somme toute sur le bras. On la retrouve avec Dua Lipa dans Fever, 33 millions de vues sur Spotify par exemple.

moi comme des gestes obscènes. Tu le vois bien, darling, tu me gênes. Sur ta photo un peu blême, je nous vois en tandem. Ta main d'aller dans la mienne. Tes allures un peu mondaines et tes manières à l'ancienne. Qui sait d'aller, qui tu aimes, qui sait d'aller, si tu m'aimes, qui sait d'aller. La radio de vos vacances, c'est Fadjet. À présent, ma séquence émotion. Pour ce petit gars qui est de notre coin, il a vécu à Champenoux, il a vécu à Nancy, il s'agit bien sûr de ces Jérôme. Il aurait eu 75 ans le 21 décembre dernier. Hélas, il a succombé d'un cancer généralisé à l'âge de 53 ans en 2000. Jérôme, il a vu ses disques sortir sous des pseudonymes différents selon les pays. Rappelons que ce sobriquet, c'est... Bien sûr, c'est pas un prénom. Eh bien, il est tout simplement dû à l'imagination de son agent Jean Albertini, déjà responsable de la carrière de Christophe. C'est Jérôme s'appelait Claude Noël Gérard d'Hôtel. FM ou sur Fadjet.net, où que vous soyez, Fadjet vous accompagne tout l'été.

Fadjet sur internet www.fadjet.net. www.fadjet.net. Alors ça, c'est valable pour le direct, hein. Vous retrouvez Fadjet, les programmes en direct sur internet. Et puis, c'est valable aussi pour les podcasts. Si vous avez envie de réécouter notre émission, par exemple, je suis pas chauvin du tout, eh bien, vous pouvez la réécouter sur www.fadjet.net juste après sa diffusion sur l'antenne. C'est pareil pour toutes les émissions de notre station. Alors, une petite anecdote quand même, parce que c'est vrai que la FM, le DAP+, bientôt pour Fadjet, sur la région Lorraine, ce n'est que sur place, bien sûr. Donc, moi, je me rappelle en grandes ondes, l'anecdote la suivante, c'est qu'on écoutait des chansons à la radio, donc sur les grandes ondes, sur les grandes radios périphériques, et c'était tellement peu net, tellement peu audible parfois, que pendant des années, il m'est arrivé de prendre un mot pour un autre d'une chanson sans me rendre compte que c'était pas ça du tout. Enfin, maintenant, tout est clair, tout est précis, tout est de qualité au niveau de l'émission, notamment des émissions de Fadjet sur Nancy et puis également donc sur Internet. On continue avec Vanessa Paradis. Alors, un petit truc que je ne sais pas si vous l'aviez su, qu'entre deux applaudissements, eh ben Jeanne Moreau a murmuré discrètement ces quelques mots à Vanessa Paradis. « Je suis et resterai ta marraine de cœur ». Joli témoignage. C'était notre coup de cœur du 17 juin 2021. Et là, on repart vraiment à ses débuts, sa première chanson, son premier tube. C'est bien sûr Joe du Taxi. Barbès. Bienvenue, c'est Joe. Thank you. Fadjet, rythme votre été. Dès son arrivée, Marianne James s'attend à une nouvelle casserole, autrement dit un mauvais chanteur. Elle lui confiera qu'elle a eu l'impression de voir arriver une tortue. Mais lorsque la tortue a commencé son interprétation, le jury en est resté bouche bée. Alors âgé de 22 ans, Christophe Willem a enchaîné les prestations spectaculaires, dont celle de la chanson Sunny de Bobby Hebb, qui lui a entre autres permis d'obtenir les faveurs du public et de remporter la 4e saison de l'émission de M6. 19 janvier 2023, c'est la date à laquelle on lui a rendu hommage dans notre émission Coup de cœur. Et puis, il va nous chanter « Je tourne en rond ». J'espère que c'est pas votre cas si vous êtes en vacances. Parti cœur au bois dormant, le sourire entre les dents, mon silence radio, souvenir fluo. Que reste-t-il maintenant? Kimono et bras ballants, seulement quelques mots à te dire tout haut. Je tourne en rond sans toi, j'oublie mon nom sans toi, et je ferme les yeux autant que possible pour te revoir auprès de moi. À présent, notre coup de cœur du 16 février 2023. Auteur, compositeur, interprète et producteur. Eh bien, la France découvre François Valéry le 25 juin 1974 dans l'émission de Michel Drucker et Françoise Coquet « Sport en fête » avec le tube « Une chanson d'été ». C'était il y a... Non, pardon, il avait 19 ans, autant pour moi. Aimons-nous vivants, eh bien, c'est le titre qui résume ce que nous devrions tous faire, sans exception, François Valéry, aimons-nous vivants.